comme ça, rien pour voir si j'avais pas le cafard. J'aimais bien. J'aimais bien quand tu venais le soir, juste pour rire et pour boire, parfois du mauvais vin. J'aimais bien. J'aimais bien quand tu venais le soir, écouter les histoires et les jeux de mots ringards. J'aimais bien. J'aimais bien quand tu me tendais la main, pour pas rester dans le noir, pour me redonner espoir. J'aimais bien. J'aimais bien quand tu me forçais à croire que tous ces trucs bizarres dans ma tête c'était rien. J'aimais bien. J'aimais bien on dansait dans les bars, on recommandait à boire, on se foutait de demain. J'aimais bien. Chercher à la gare, attendez quand tu pars. J'aime pas bien. J'aime pas bien. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien quand tu pars. J'aime pas bien. J'aime pas bien quand tu pars, j'aime pas bien quand tu pars, j'aime pas bien quand tu pars, j'aime pas bien.